Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Moi, j'aimerais vous faire partager aujourd'hui, avec cette première émission qui démarre de l'année académique, bien que pour moi, en fait, l'année qui commence est souvent, je trouve, au mois de septembre, parce qu'au mois de septembre, ben, t'as tous les enfants qui reprennent l'école. Les enfants, puis les moins enfants, hein, les plus grands, les plus vieux même, hein, y a des grandes personnes qui reprennent des cours. Et c'est quand même une année dans laquelle on se lance, et puis à la fin de l'année, soit on passe à autre chose, on a réussi, on a perdu, on a gagné. Vous voyez, ça me parle beaucoup plus que l'année nouvelle, comme on parle l'année nouvelle. Vous savez, la bonne année, quoi. Et donc pour cette année nouvelle du mois de septembre, eh bien j'avais envie de faire partager cette idée que, écoutez, ça commence comme ça. Si vous êtes américain, je m'excuse. Voici un homme, John Smith, qui n'est ni ce qu'on appelle réel, il n'a pas historiquement existé, ni ce que l'on appelle fictif. Ce n'est le personnage d'aucun roman. Mettons qu'il est plausible. Je dessine à grands traits l'histoire de cet homme pour montrer à quel point, dans notre espèce, la frontière entre réalité et fiction est perméable. Soit un être humain. Très peu de temps après sa conception dans l'État du Kentucky, ses parents, M. et Mme Smith, qui, elle, s'appelait autrement avant, voient apparaître à l'échographie la minuscule forme palpitante de leur rejeton. S'entendant déclarer « c'est un garçon », ils choisissent son prénom, John, en souvenir d'un oncle préféré du père, lui prépare une layette bleue et commence à rêver à son avenir. M. et Mme Smith sont blancs, chrétiens, américains et fiers de l'être. Ils sont fous de joie à la perspective d'avoir un fils. Il va de soi qu'ils apprendront à ce fils à être fiers des mêmes choses qu'eux. Petit John naît le 15 août 1980. Coïncidence, c'est également l'anniversaire de sa tante Suzy. Il n'y a pas de hasard, bien sûr. Dès qu'il émerge du vagin de sa mère, on le couvre de caresses et de baisers. On lui parle, on lui chante. Il est happé par le langage, en l'occurrence l'anglais américain, avec l'accent sudiste. On lui raconte des histoires et on lui chante des berceuses dans cette langue. Il n'en apprendra jamais d'autres. L'arabe qu'il entendra parler plus tard lui paraîtra du plus pur charabia. On lui dit son nom, John Little, Johnny, John, Darling, tellement souvent qu'il finit par piger le truc. On lui présente les autres membres de sa famille, voici ton oncle Tom, ta sœur Val, ton cousin Chip, et ainsi de suite. Peu à peu, il perçoit la constellation, il n'a guère le choix. On lui remplit la tête de petits chaperons rouges et de loups méchants et de sorcières transformant des crapauds en princes et de Jésus transformant l'eau en vin et de Clark Kent se transformant en Superman et d'acteurs de cinéma se transformant en président des États-Unis. Tout cela se mélange et se superpose dans son esprit. Décidément, il y a de la magie partout. On lui apprend à prier et à compter, à espérer et à s'excuser, à se sentir supérieur au noir et inférieur à ses parents. Il n'a pas le choix. Comme pour l'instant, il est à la merci des grandes personnes, il ne peut devenir que ce que ces personnes lui mettent dans la tête. À l'âge de 3 ans, il ne lui est pas loisible de dire « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces fariboles? L'eau ne peut pas se transformer en vin ?» Un homme ne peut pas se lever d'entre les morts. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. À 6 ans, il entre dans les scouts. Les scouts sont répartis en sections dont chacune porte un nom d'animal. Mettons qu'il est dans les renards. Dans leurs différentes activités, le petit John doit tout faire pour que les renards l'emportent sur les écureuils et les castors. Il doit donc se convaincre de la supériorité de sa section et apprendre à s'attacher à ses coéquipiers. De même, quand il commencera à jouer au baseball quelques années plus tard, il faudra que John se soude aux membres de son équipe et fasse tout pour que l'autre équipe perde. Sans avoir eu d'efforts particuliers à fournir, John est désormais pris dans un nombre important de réseaux, de groupes qui disent « nous » avec fierté. Il y adhère. Comment faire autrement? Ces « nous » structurent son existence au jour le jour. Ils sont intégrés à ses circuits neuronaux. À l'école, John apprend l'histoire des États-Unis et celle d'aucun autre pays. Il l'apprend naturellement du seul point de vue des hommes blancs. Dans ses cours d'anglais, on lui donne à lire et à analyser des poèmes, des nouvelles et des extraits de pièces de théâtre, tous tirés de la tradition anglo-américaine. En matière d'anthropologie, on lui enseigne deux versions de l'histoire de l'espèce humaine sur la planète Terre. Celle de Darwin, selon laquelle l'homme descend du singe, et celle de la Bible, selon laquelle Dieu a créé l'univers en 6 jours, tiré Ève de la côte d'Adam, etc. Ni l'une ni l'autre de ces deux versions ne l'intéresse spécialement. Il s'ennuie à l'école, il attend que ça se passe. Avant et après l'école, il passe entre 4 et 5 heures par jour devant la télévision. Lorsqu'il arrive à la puberté en 1992, il convainc ses parents de lui acheter des jeux vidéo. Il passe désormais 2 heures chaque jour devant l'écran de la télévision et 2 devant celui de l'ordinateur. Les fictions se déversent en lui par milliers. Dans ces milliers de fictions, l'ennemi est toujours pré-humain, reptilien, post-humain, robotique, ou les deux à la fois. Dans tous les cas, il cherche à détruire l'humanité et doit donc être détruit par le héros. La musique assourdissante, les images très rapides et violentes de ces jeux et de ces films pénètrent dans le corps de John et laissent leur empreinte dans son cerveau. Elles rythment l'activité de ses synapses. En 1998, il termine son lycée avec des notes médiocres et prend un emploi comme serveur chez McDonald's. Il s'ennuie le jour et se défoule le soir en buvant de la bière avec ses amis, mais continue d'aller à l'église tous les dimanches et à croire en Dieu. Un jour, dans une fête bien arrosée, il fait la connaissance de Betty, jeune femme dont la longue tresse châtain lui fait penser à la cyber-héroïne Lara Croft, et se met à la peloter. Après la fête, il la raccompagne en voiture, réussit à lui faire l'amour malgré le volant qui gêne et, sans faire exprès, la met enceinte. Les 4 parents insistent pour qu'il l'épouse. Le mariage a lieu à l'église, l'enfant naît quelques 8 mois plus tard. John et Betty entament son apprentissage en matière de langue anglaise, de supériorité des blancs, de petits chaperons rouges, de Jedi, Spider-Man et autres Pokémon. Pour subvenir aux besoins de sa famille, John trouve un emploi plus rémunérateur dans une usine de pièces détachées. Mais même avec ce salaire plus élevé, le couple a du mal à boucler ses fins de mois. Ils règlent souvent leur loyer en retard et Betty se plaint de ne pouvoir s'habiller comme les femmes dans les magazines. Ils vivent ainsi quelques années cas un cas, s'enfonçant dans la routine et se disputant souvent. Parfois, John trompe Betty. Pendant ses rendez-vous amoureux ou ses visites chez les prostituées, il se sent presque aussi viril que le Rambo dans sa tête. Mais après, il se sent minable vis-à-vis du Jésus dans sa tête. À l'automne 2002, John télécharge un nouveau jeu vidéo passionnant, America's Army, décrit par son concepteur comme « arme de distraction massive » mise en ligne gratuitement par les sections de recrutement du ministère de la Défense. Quand l'Amérique envahit l'Irak au printemps 2003, il décide de s'engager, embrasse son fils et son épouse et part faire son entraînement. En Californie, il se trouve plongé dans un gigantesque simulateur de guerre mis au point par le Pentagone, les serveurs Windows et les studios de Hollywood. Au bout d'un mois d'immersion dans cet environnement virtuel, interactif et multisensoriel, il s'envole pour Bagdad. Il n'a pas la moindre idée d'où se trouve l'Irak, ne se soucie même pas d'infliger une leçon aux sales arabes qui ont fait s'écrouler les tours de Manhattan. Ce qui l'intéresse, c'est le salaire. L'enivrant rêve d'héroïsme et le changement d'air. Il fait partie, mettons, du 101e d'infanterie. Avec ses camarades de division qui viennent de 20 états différents et sont majoritairement noirs, John commence à avoir du sang, à voir du sang et à entendre des explosions. Il a peur de l'ennemi qui parle en charabia et sombre de peau, sournois, non chrétien et veut sa mort. Il se met à le haïr. Sa peur et sa haine se rehaussent mutuellement et font courir de l'adrénaline dans ses veines. Il se bat dans les ruelles de Bagdad en écoutant à plein tube dans son casque militaire « Blood Flowers » de The Cure. Un jour, il reçoit une balle dans le dos et s'effondre, mort. On renvoie son cadavre aux États-Unis et ses parents assistent en pleurant à sa mise en bière, à sa mise en terre. Sa mère se console en se disant qu'elle le retrouvera au ciel et que, si Dieu a décidé de le rappeler à lui, Il devait bien avoir ses raisons. On décerne à John Smith post-mortem plusieurs médailles militaires pour son courage exceptionnel. Sa tombe est recouverte de fleurs. C'est ainsi que se termine l'histoire d'un homme éminemment ordinaire, un homme dont l'existence était composée presque exclusivement de fiction et qui ne le soupçonnait pas le moins du monde. Cette histoire peut vous paraître grotesque, mais si je m'évertuais maintenant à écrire pour les Américains l'histoire de Jacques Dupont, français typique, mettons un jeune berrichon mort à la guerre d'Algérie, après avoir ingurgité les fictions françaises depuis nos ancêtres les Gaulois jusqu'à Brigitte Bardot, en passant par la Vierge de Lourdes, elle leur paraîtrait tout aussi grotesque. Voilà, moi je suis allée un petit peu me balader au Havre, en dessous de Pas-de-Calais, là, dans le nord de la France. Je fais plusieurs rencontres, dont celle-ci que vous allez entendre. Voilà, je vous expliquerai plus longuement ce que j'ai été faire là-bas, au Havre, à Harfleur précisément. C'était la rencontre annuelle de Halem, ça s'écrit H-A-L-E-M, Halem, et ça veut dire habitation légère, éphémère et mobile. Et dans ce cadre-là, donc c'était plusieurs jours de rencontre, j'ai rencontré ce monsieur que vous allez entendre. Allez go, c'est parti pour une rencontre dans une yourte. On la voit pas, c'est ça qui est bien en radio, hein. On voit rien, on pourrait inventer, tu dis ? Ça résonne pas les yourtes en plus, donc on peut pas savoir. Parce que je pense que les sons sont différents en fonction des endroits. Mais là, une yourte, c'est difficile de savoir. On serait dans un lieu fermé, des fois il y a une résonance particulière. Il y a un son particulier, mais là, c'est un son assez mat finalement, c'est assez plat. Oui, moi je l'entends, j'entends qu'on est dans une... Tu veux le casque pour voir ? Tu verras même... Enfin, soit. Ça te donne envie, là. Hein, bon, expliquez-nous un peu qui vous êtes, cher monsieur. Comment vous vous appelez ? Vous n'êtes évidemment pas obligé. Hein, j'ai oublié que vous pouvez être anonyme aussi. Qu'est-ce que vous préférez ? Bon, il n'y a pas de problème. C'est en plus un travail public. Donc, je m'appelle Hugues Bazin. Je suis chercheur en sciences sociales, indépendant dans le sens où je ne suis pas rattaché à un labo de recherche. Donc je suis travailleur indépendant et je développe depuis une dizaine d'années un réseau qui s'appelle le Laboratoire d'innovation sociale par la recherche action et dont le but c'est de permettre à des acteurs qui ne sont pas des chercheurs professionnels d'être en situation de recherche et de produire de la connaissance sur leur expérience, sur leur situation et valider cette connaissance que n'importe quelle connaissance scientifique. Voilà. Ok, mais quand vous dites que vous êtes indépendant, ça n'empêche que vous travaillez quand même pour quelqu'un. On travaille toujours pour quelqu'un ou pour quelque chose, puisque, et là jusqu'à maintenant, c'est l'argent quand même qui nous aide à vivre. Enfin, on peut toujours travailler sous la forme de troc, hein. Je travaille beaucoup aussi sous cette forme-là. Notre plateforme, elle est complètement open source, c'est-à-dire qu'elle n'est pas financière. Donc chacun peut aller récupérer, comme le rapport dont on va parler, la recherche dont on va parler, peut venir récupérer les informations, les télécharger, et c'est pas payant, enfin... Tout est gratuit. Après, comme n'importe quel travailleur sur la planète, comme un menuisier qu'on paye pour faire un toit, qu'on fait une recherche, c'est bien aussi à un moment donné d'être payé si ça a produit un travail. Là, par exemple, l'étude autour des bifins, c'est quand même une année de travail, donc c'est vrai que c'est quand même mieux d'être un peu payé, c'est quand même plus pratique. Quand même. Et c'est bien payé ? Non. Franchement, on ne fait pas chercheur pour être riche. Et donc c'est beaucoup d'investissement et après on est payé de différentes façons. Il y a l'aspect économique, mais il y a aussi moi j'ai la chance quand même de faire la recherche en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que le matériau de recherche c'est l'humain quoi. Et ça c'est une richesse énorme. Là les bifins sont des champs qu'on dit relégués, pauvres, miséreux, mais quand ce qu'on appelle un SDF vous raconte un parcours de vie. Et comme ferait un titi parisien et de sa forme de vie, voilà, on est d'une, enrichi d'une autre manière. Et à chaque fois, je suis toujours étonné, moi, des rencontres que je peux faire aussi grâce à ce boulot. C'est des rencontres, justement, de parcours d'expérience vraiment très différentes. Donc voilà, après, il y a toujours des... Heureusement, toujours des contreparties. Tout dépend ce qu'on cherche, c'est qu'à le dire, quoi. Et tiens, ce mot « bifin », ça fait... c'est quoi ce mot, quoi ? C'est la première fois que je l'entends. Ça veut dire quoi ? Ça vient d'où ? Bah, il y a un mot qui est plus connu, qui est le mot « chiffonnier ». Voilà, bon. Parce qu'il y a toute une littérature. Bifin, en fait, c'est un peu le mot moderne. Ce sont les gens eux-mêmes qui sont appelés bifin. Bifin, en fait, c'est un morceau de tissu, la bif, qui est un terme militaire, en fait. C'était un habit militaire, mais on pourrait les généraliser par le fait que ce soit un morceau de tissu. Et comme les chiffonniers, hein, qui vient du mot chiffon, voilà, avant qu'il y ait l'industrie du prêt-à-porter, on ne faisait que recycler les vêtements, finalement, quoi. Donc les tissus étaient recherchés. Donc la bif, c'est aussi, voilà, l'art de récupérer. Mais plus généralement, tout ce qui est jeté dans les poubelles. Et il y a un mot encore plus poétique qui s'appelle les crocheteurs de lune. Alors pourquoi crocheteurs de lune ? Parce que le crochet, c'était justement l'outil du chiffonnier qui allait fouiller dans les poubelles. Et lune, tout simplement, parce que c'est en général une activité qu'on fait la nuit. Voilà. Donc voilà, après, il y a différents. Le vocabulaire est encore. On pourrait trouver encore d'autres mots. Mais bifin, tout simplement, parce que ce sont eux-mêmes, enfin, les acteurs que j'ai rencontrés, qui s'appellent bifin. Sinon, je ne les aurais pas appelés bifin. Et ils préfèrent ça que le mot chiffonnier, qui est daté historiquement et qui n'existe plus en tant que profession aujourd'hui, quoi. Donc, bifin en Ile-de-France, étude portant sur les bifins en Ile-de-France. Et en avant, racontez-nous, c'est quoi votre étude ? Qu'est-ce que vous avez cherché ? Est-ce que vous avez trouvé ? Expliquez-nous un peu. Je crois déjà le principe de toute recherche, c'est de ne pas savoir ce qu'on va trouver à l'avance. Donc, c'est plutôt de comprendre. Donc moi, j'ai dans cette étude, pour être très précis, il y a différents chercheurs qui ont travaillé, par exemple des géographes, ou plutôt des cartographes, qui ont compté les gens sur les marchés, puisque l'activité du bifin, il faudrait peut-être la décrire assez rapidement. C'est donc l'art de récupérer des objets, alors pas uniquement d'ailleurs que dans les poubelles, ça peut être aussi dans d'autres endroits, ou réacheter et revendu sur d'autres marchés, ça s'appelle la culbute, c'est-à-dire qu'on prend un objet et puis on le revend ensuite. Et donc c'est le bifin se caractérise par la rencontre entre une personne plutôt en situation de précarité, de grande pauvreté, et un objet qu'il récupère, qu'il peut retaper à la rigueur, et qu'il revend ensuite dans l'espace public. Et donc la partie visible, la plus visible de l'activité du bifin, c'est justement le marché dans l'espace public. Et donc moi, mon travail, c'était, à différence du cartographe qui lui va simplement comptabiliser les vendeurs sur un espace, c'était d'interviewer, un peu comme on fait là où, en ce moment. J'avais aussi un micro et je vais tout simplement sur les marchés. Alors bon, c'est une approche assez compliquée parce que, à juste titre, les bifins sont très méfiants, puisque d'une part, de par leur statut, ils n'en ont pas. Certains sont en situation précaire, voire sans papier. Et donc toute personne qui vient les interviewer est suspectée, voilà, de venir aussi les contrôler. Donc là, il y a un rapport de confiance qu'on arrive ou non à générer. Moi, j'ai tendance à... Parce qu'il y a différentes approches. Et par exemple, une approche ethnographique qui s'appelle l'observation participante, qui est de dire je me confonds avec les bifins, mais je ne dis pas que je suis chercheur, par exemple. Ce qui est une autre manière de faire. Moi, j'ai une approche plus directe qui est de dire effectivement je suis chercheur, donc ça peut aussi créer un blocage. Et racontez-moi votre vie, en sachant que j'essaie d'intervenir le moins possible dans la vie qui m'est racontée, de ne pas orienter, parce qu'on a toujours, évidemment, qu'on le veuille ou non, une façon d'orienter les débats et les rencontres. Et donc après, il y a des gens qui parlent, d'autres qui parlent moins, donc des fois il faut relancer, etc. Donc c'est des entretiens qui peuvent durer une demi-heure, comme durer 2 heures, voilà, bon, il n'y a pas de limite. Et donc l'idée aussi, c'est de trouver dans les marchés bifins, puisque c'est des gens très différents, des gens qui sont un peu justement des leaders, ou des gens qui sont un peu des têtes de réseau, qui connaissent d'autres personnes. La seule façon d'intégrer un milieu, c'est qu'une personne qui a votre confiance, vous introduit une autre personne qui, elle, n'a pas confiance en vous, mais qui a confiance à la personne qui vous introduit. Et donc, par effet voilà, transitif, va avoir confiance en vous. C'est le principe voilà, de la recherche un peu ethnographique. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on est introduit dans le milieu des Biffins, en sachant que c'est un milieu très hétérogène, dans le sens où ce n'est pas une communauté avec une même culture. Il y a des gens qui viennent de l'Europe de l'Est, des Roms. Bon, bah, là, il y a aussi la barrière de la langue. Donc, il a fallu aussi que je trouve quelqu'un qui joue le rôle aussi de traducteur. Mais ça peut être aussi des Chibanis, c'est-à-dire des émigrés maghrébins à la retraite, sans ressources. Ça peut être des personnes françaises, mais à la retraite aussi sans ressources. Ou des gens qui revendiquent une certaine marginalité ou esprit libertaire et qui sont là aussi par choix de vie. Donc il y a vraiment des profils très différents. Ça peut donc aller de 30 ans à 70 ans. Et donc l'idée, c'était essayer, sans être exhaustif ou représentatif, de toucher quand même des profils de personnes très différentes pour justement avoir une certaine panorama de ce qu'est voilà, de ce qu'est la Biff. Quoi. Qu'est-ce qui fait rire ? Oui, mais je me demandais comment vous alliez dire de ce qu'est le Biffin, ou là vous me dites le Biff. Quoi. Oui, parce que en fait, on peut caractériser la Biff, mais pas le Biffin, parce que, comme je viens de le dire, le Biffin n'est pas... Enfin, des profils sociologiques très différents. Ça peut être un homme, une femme, un jeune, un vieux, un Français, une personne étrangère. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Biffin ? Ce qui le caractérise, c'est son acte, finalement. C'est là-dessus qu'on travaille. Voilà. Bon, c'est le fait de récupérer, de revendre un objet, d'assurer une seconde... Alors, comme je dis, c'est la rencontre, justement, entre la vie d'un objet et la vie d'un être humain. C'est cette rencontre-là qui fait qu'à un moment donné, à la fois il y a une fonction économique du recyclage qui est très intéressante, puisque c'est des objets qui sont destinés à la déchetterie, donc à être détruits, qui sont recyclés donc qui ont une seconde vie, qui avaient une première vie privée, et puis qui ont une seconde vie grâce au Biffin. Mais le Biffin, en revendant l'objet, lui aussi s'accorde une seconde vie, puisque il refuse, la plupart de ces Biffins refusent par exemple les aides sociales, refusent de l'assistanat. Donc c'est une manière de dire, d'assumer aussi un mode de vie ou un complément de ressources. Et donc c'est aussi une manière de s'assurer une seconde vie ou une vie complémentaire. Et donc c'est cette alchimie-là, cette rencontre-là qui est intéressante aussi. Quoi. Voilà, c'est ce rapport à l'objet qui est aussi compliqué parce que bon, récupérer dans la poubelle, c'est... Enfin, il y a une double assignation. D'abord, c'est très privé, les poubelles des gens. Dites ce que vous avez dans votre poubelle, je dirais qui vous êtes finalement. Quoi. Donc, revoir comme ça des gens fouillés dans vos poubelles, donc là, il y a un premier problème. Et puis, il y a le côté justement de l'impur, c'est-à-dire effectivement, c'est des déchets au départ. Quoi, voilà. Et donc, c'est dire, à la fois, on est dans une société de consommation et il y a beaucoup de déchets. Et deuxièmement, accepter que ces déchets soient sur la voie publique, etc. D'où voilà, un rapport souvent conflictuel, que ce soit avec les riverains ou avec les autorités. Quoi. Je ne comprends pas quand vous dites que ces déchets sont sur la voie publique. Parce qu'on ne parle pas de déchets organiques, là. Hein, on parle... Est-ce que ça vaut la peine encore de parler de déchets, quoi ? Vous voyez, c'est ça. Parce qu'une table que quelqu'un a achetée en bois et qui n'en veut plus, est-ce que c'est un déchet ? Une table. On peut dire qu'un objet est un déchet à partir du moment... Alors on peut dire aussi rebut, ça fait peut-être moins... Mais en fait, l'objet a comme on l'a vu, plusieurs vies. Donc il y a un statut avant qu'on l'achète, qui est plutôt un statut commercial. Il y a un statut ensuite d'ordre privé qui peut être un objet utilitaire, ça peut être une assiette, mais ça peut être aussi un objet esthétique. Enfin, ça peut être aussi une assiette d'ailleurs. Et puis après, il y a la vie qu'on le jette, et ça devient un déchet. Quelle que soit sa valeur, une fois qu'il est posé dans la poubelle, même si cette poubelle n'est pas encore sortie dans la rue, il a un autre statut qui n'appartient plus à la sphère privée, qui est dévalorisé, qui n'a aucune valeur, en tout cas pour la personne qui la jette, enfin voilà, bon, qui jette cet objet. Ça devient un déchet, ça devient... Oui, mais pour les Biffins que je fais connaissance, le mot là, j'espère que les gens qui nous écoutent suivent, donc les gens qui font de la récup, les Biffins, quand ils vont chercher des déchets, entre guillemets, moi j'ai envie de le mettre entre guillemets, c'est pas des déchets organiques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas organique, c'est pas des déchets. À partir du moment où effectivement on jette, ça veut dire qu'on rejette. On rejette de sa vie, hein, on rejette de sa vie cet objet-là qui n'est plus de l'ordre de la sphère. Alors c'est marrant parce que le statut, il n'est plus privé, d'accord, puisqu'il n'appartient plus à la sphère privée, mais il n'est pas non plus public tout à fait, puisqu'il est dans la poubelle. Et c'est le Bifin qui va récupérer l'objet et qui va lui accorder un autre statut. Alors soit on l'accepte, c'est-à-dire qu'on accepte que quelqu'un vienne fouiller dans votre poubelle, soit on ne l'accepte pas. Voilà. Et c'est là où des fois il peut y avoir conflit. Et le fait... Après, pour moi, évidemment, ce n'est pas quelque chose d'impur. Le fait de récupérer, au contraire, c'est même, encore une fois, une fonction économique très intéressante. Et en plus, ça, comme je dis, revaloriser l'objet revalorise aussi l'humain. Mais souvent, il y a assimilation dans la manière dont on traite les bifins entre le déchet... Enfin, on compare, on considère l'objet comme un déchet, et donc la personne qui traite cet objet aussi comme un déchet. Par exemple, ce qui est assez caractéristique, c'est qu'on ne donne pas le droit, à différence d'un vendeur, par exemple, classique sur un marché, même populaire, vous pouvez vendre sur une étagère, une étale qui est sur un tréteau de bois. Le bifin, on lui oblige à vendre à même le sol. Oui, il n'a pas droit. Oui, il n'a pas droit, parce que c'est considéré sinon comme... il faut avoir un statut de vendeur, il faut avoir une patente pour vendre, effectivement. Et alors, il vend aussi à même le sol, aussi pour des raisons très pragmatiques. C'est comme il est la plupart du temps pour chasser. De toute façon, ça ne sert à rien de mettre des tréteaux. Il faut ramener tout de suite la couverture, qu'on a le temps pour déguerpir. Il y a même une association de solidarité des bifins qui s'appelle Sauf qui peut, donc qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, de fait, mais de fait d'être rabaissé au sol, ça a aussi une signification. D'abord, c'est compliqué de vendre au sol, parce qu'il faut aussi que l'acheteur se baisse pour voir ce qu'il y a au sol, etc. Mais c'est aussi une manière de dire, vous êtes un sous, en tout cas, vendeur, en tout cas, voilà. Donc il y a bien une logique là, de rabaisser, ou en tout cas de considérer ces vendeurs-là, pas comme des vrais voilà, vendeurs. Je reviens avec mon idée de déchets. Parce que les gens qui ont une table, qu'ils ne veulent plus... Ces personnes, qu'est-ce qu'elles vendent en fait, les bifins ? Je n'aime pas les appeler comme ça, mais... Tout ce qui peut être revendable. Alors évidemment, comme c'est des choses qu'on récupère et qu'on revend, ça va pas être on imagine que ça ne va pas être des choses très lourdes. Parce que les bifins n'ont pas de... À la différence, ce qui fait la principale différence avec le brocanteur, c'est que le brocanteur entrepose l'objet. Le bifin, le circuit, il court. C'est-à-dire qu'il faut que dans les 48 heures, entre la prise et la revente d'objets... Soit l'objet disparaît, soit il est laissé, soit il repart à la poubelle. Enfin bon. Donc ce n'est pas des objets, par exemple, lourds. On ne va pas vendre des frigidaires. Voilà. Puis, en général, c'est pas non plus... Alors ça peut être des objets technologiques. Après, il y a des bifins qui vont se spécialiser dans certains types d'objets. Technique, il faut... Soit ils les réparent, mais la plupart non. Mais ça peut être des objets techniques. Ça peut être des bouquins. La plupart du temps, c'est plutôt des vêtements. C'est-à-dire souliers et tout ce qui est... vêtements. Ce qui est interdit, enfin ce qui est, considéré comme bif, c'est les produits alimentaires, pour des régions d'hygiène aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits alimentaires. Il peut avoir aussi des produits alimentaires sur les marchés bifins, mais eux ne se revendiquent pas obligatoirement comme bifins. Ouais. Mais c'est aussi, c'est un peu les restos du cœur du pauvre, c'est-à-dire des gens qui récupèrent et qui revendent. Et puis les produits de recel, c'est-à-dire des produits qu'on, par exemple neufs, et qui n'ont jamais eu un usage et qu'on revend neufs. Enfin, voilà, bon, normalement, c'est pas considéré comme la bif. Mais là aussi, il peut aussi en exister via des circuits de rachat en gros. Qui est entre la légalité et l'illégalité, donc ce qu'on appelle les vendeurs à la sauvette. Ceux qu'on retrouve aussi en bas de la tour Eiffel, enfin dans les lieux touristiques. Mais là, ce n'est pas vraiment la bif, c'est des gens qui achètent en gros des produits manufacturés en Chine, qui se retrouvent dans des entrepôts à Aubervilliers. Voilà. Donc c'est un autre marché qui ne croise pas obligatoirement. Donc voilà. Donc, sinon, tout objet, a priori, peut être... Ok, mais moi, ça m'intéresse vraiment. Hein. C'est pour ça que je suis, vous allez dire, c'est très... Donc, il y a des gens qui ne veulent plus d'affaires, mais donc, les bifins ne vont pas dans les poubelles de ces gens, puisqu'aujourd'hui, tout est recyclé dans des poubelles bleues, vertes, jaunes. Donc, comment ça se passe, en fait? Parce que, par exemple, moi, si je ne veux plus d'affaires, je ne peux pas mettre comme ça sur le bord de ma maison ou dans la rue. Je veux dire, on va pas... Les poubelles sont sorties entre le moment où elles sont sorties et le moment où elles sont récupérées par la benne à ordures. enfin, donc les éboueurs, il y a un laps de temps, de quelques heures. Et donc là, le bifin fait un circuit, et certains bifins d'ailleurs racontent, enfin, pour eux, il y a aussi d'ailleurs un... Alors j'ai pas fait, moi, le circuit de la bif, mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi chasse au trésor. Alors il y en a qui... C'est assez amusant, parce qu'il y a des bifins qui refusent de faire les poubelles, mais qui se présentent comme bifins, c'est-à-dire qui rachètent sur des marchés bifins pour revendre sur des marchés bifins, parce qu'ils estiment justement que c'est pas propre. Et d'autres, au contraire, qui revendiquent en disant le vrai bifin, c'est celui seulement qui récupère dans les poubelles, et qui va vous présenter ça comme une chasse au trésor. Et certains vous racontent, alors est-ce que c'est vrai ou pas, ça c'est une autre question, qu'ils ont pu trouver des fois de l'or, ou... Le seul problème souvent des bifins, c'est ce qui fait la différence aussi avec les brocanteurs, c'est que souvent ils ne connaissent pas la valeur réelle des objets qu'ils récupèrent. C'est qu'un vêtement, il va le revendre le moins cher possible puisqu'il doit partir le plus... Le brocanteur, lui, connaît et peut prendre le temps de le vendre. Donc le brocanteur va souvent sur les marchés bifins récupérer un objet qu'il va revendre 10 fois, voire même 100 fois plus cher, parce que lui connaît la valeur de, par exemple, un blouson ou un sac de marque, alors que le bifin va le vendre 1 euro. Et le brocanteur va le vendre 10, voire 100 euros. Quoi, voilà. Mais certains quand même connaissent la valeur des choses et disent justement, rien qu'en récupérant dans les poubelles, alors il y en a qui, pour qui c'est vraiment une économie. Par exemple, ce SDF qui va dire, voilà, moi je ne veux pas aller chez Emmaüs, chez les communautés, parce que je refuse. La plupart des bifins sont des libertaires. Enfin, pas tous. Hein. Il y a aussi des bifins économiques comme les migrants qui, eux, le font aussi par obligation, mais aussi d'autres par choix de vie. Comme ce SDF qui va dire « je ne veux pas aller dans les communautés d'Emmaüs, donc je fais mes marchés, je récupère, je revends, je m'achète mon sandwich et une fois par semaine, je me paye une nuit d'hôtel parce qu'à un moment donné, il faut me la... Voilà. » Bon, évidemment, c'est un mode de vie à la fois choisi, mais où on ne vit pas vieux, c'est clair. C'est des gens qui sont alcooliques souvent, qui sont dans l'insécurité et qui, hélas, passent rarement la cinquantaine, mais c'est aussi leur choix. Voilà, bon. Donc il y a bien une économie aussi de la bif qui est assumée, et donc rien qu'en récupérant dans les poubelles, voilà. Donc il y a vraiment, il faut bien savoir que dans la récupération des poubelles, enfin dans ce qui est jeté, effectivement tout part à déchetterie, alors qu'une grande partie pourrait être, je parle pas encore une fois des produits évidemment alimentaires, hein, quoique aussi, il y a aussi des gens qui se nourrissent de ça, mais voilà, pourrait tout à fait être récupéré et repartir dans le circuit marchand. Donc dans ce laps de temps où la poubelle est sortie, ils le récupèrent, etc. Après, ce qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait du temps des chiffonniers, c'est la possibilité de négocier. C'est-à-dire que du temps des chiffonniers, il y avait des bacs où les chiffonniers avaient le droit d'aller crocheter, donc récupérer, de telle heure à telle heure. Là, les bifins le font d'une manière non autorisée, puisque effectivement, depuis la mécanisation, on refuse voilà, bon, de ce travail des chiffonniers. Alors que finalement, ces produits, non seulement leur permettent à la fois de gagner de l'argent, mais aussi, parce qu'on oublie dans les marchés des bifins, c'est aussi les acheteurs qui eux aussi trouvent un intérêt. Donc, c'est parce que je crois que vous vous êtes trompé dans votre... Vous parlez des chiffonniers au début pour dire qu'ils s'étaient réglementés, ils avaient le droit, et puis après, les bifins, eux, aujourd'hui, n'ont pas le droit. Voilà, oui. Merci de me reprendre, parce que je fais des raccourcis, mais les bifins n'ont pas le droit. Et à la fois, bon, il y a une forme de tolérance. Ce qu'on ne tolère pas, par contre, c'est un peu paradoxalement, c'est effectivement le marché bifin. C'est le fait de revendre dans l'espace public, puisqu'ils sont, à part une exception sur Paris, où il y a une négociation de 100 places, ce qu'on appelle les carrés des bifins, à la porte Montmartre, mais sinon, et aussi une à la porte de Vanves, un carré où quelques bifins peuvent vendre sans être pourchassés. La plupart du temps, ils sont pourchassés par les forces de l'ordre. Donc il y a un peu une sorte là aussi d'hypocrisie, puisque à la fois, bon, ils récupèrent les objets, on est prêt à reconnaître finalement cette utilité économique, il y a des gens qui achètent, donc ça veut dire qu'ils en ont besoin aussi. Donc c'est ça aussi. Et pas que des pauvres. Vous allez sur les marchés bifins, il n'y a pas que des pauvres qui rachètent, il y a aussi des gens des classes moyennes, parce que, crise aidant, voilà, les gens font des économies partout. Et donc, et d'un autre côté, voilà... la seule réponse politique, c'est la réponse par la force, voilà, de criminaliser la pauvreté en disant ces gens-là n'ont pas droit d'être dans l'espace public. Et évidemment, ça ne résout aucun problème, puisque les marchés, évidemment, existent, ils continuent d'exister, puisqu'ils se déplacent. Par contre, ça précarise encore plus, évidemment, ceux qui vendent. D'abord parce qu'ils sont obligés de se sauver, ils perdent leurs marchandises. Parce que pour les Roms, par exemple, ils sont doublement stigmatisés, à la fois comme bifins et à la fois comme roms, par les bifins des fois aussi eux-mêmes, parce que c'est pas non plus une communauté solidaire, hein. Enfin, bon, c'est aussi des tensions, des conflits qui existent, et donc voilà, c'est aussi sur donc, cette absence de réponse politique, le pourquoi de l'étude, à l'origine, c'était aussi ça, c'est comment trouver une réponse politique, une cohérence, une réponse cohérente à ça, quoi. À quoi ça exactement ? Ben justement, à la plutôt que de réprimer cette partie, effectivement, de dire voilà, il y a une économie informelle. Je suis un peu fatigué là. En fin de journée, la réponse un peu politique, c'est de dire de la répression, c'est de dire on réprime parce que il y a une partie illégale, il y a des receleurs, etc. Et alors que la réponse qui serait cohérente, c'est de dire on a besoin finalement de cette économie informelle et qu'est-ce qu'on en fait ? D'une part parce que ça permet à des gens de vivre et donc au contraire, eux ils revendiquent ni l'assistanat ni la délinquance. Donc c'est les pousser vers ou l'assistanat ou la délinquance. Voilà. Il y a des jeunes qui vont dire moi je ne veux pas faire et je préfère. Pourquoi avec de la drogue on gagne en une journée ce que gagne le bifan en un mois donc, pourquoi s'en priver ou même en revendant des cigarettes, enfin voilà. Bon. Donc il y a quelque chose d'assez absurde au niveau de la réponse politique. Il y a un problème aussi lié à la gestion de l'espace public. C'est vrai qu'il y a un problème sécuritaire, c'est de dire voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait de gens qui occupent l'espace public, voilà. Est-ce que ça accroît la dangerosité, la délinquance ? Or des études qui ont été faites sur les anciens marchés bifans qui sont devenus les puces, qu'est-ce que c'est que les puces sinon des marchés bifans légalisés ? On prouvait que non. Enfin, voilà, il n'y a pas plus de délinquants dans les puces, etc. Alors que c'est devenu des principaux lieux touristiques parisiens. Les puces sont plus visitées que la Tour Eiffel. Là aussi, on est dans un paradoxe. C'est une économie énorme. Et là aussi, qui font vivre beaucoup de gens. Il faut savoir que du temps où c'était égalisé, alors j'ai plus en tête, mais ils sont dans le rapport, les chiffres exacts, le temps des chiffonniers. Non seulement ça faisait vivre des dizaines de milliers de personnes directement, mais leurs familles. Donc on estimait jusqu'à 400 à 500 000 personnes qui pouvaient vivre de cette économie-là. Là, on a dénombré au minimum un noyau de 4 à 5 000 personnes, mais c'est beaucoup plus large, hein, finalement. Là, je parle uniquement de Paris et bordure parisienne, mais il en existe évidemment sur d'autres villes, à Toulouse, à Marseille et évidemment ailleurs. Enfin voilà, c'est pas uniquement un phénomène parisien. Paris a une particularité, c'est qu'en tant que capitale, historiquement, a toujours drainé finalement toutes les migrations. Hein. Elle attire finalement un peu comme des papillons, parce que c'est là où effectivement il y a les réseaux et les marchés ont besoin effectivement d'être au centre de réseaux économiques pour pouvoir fonctionner comme n'importe quel marché. Voilà, donc, et ces marchés-là se trouvent d'ailleurs aux portes de Paris, c'est-à-dire les lieux justement où on entrait, même si elles ne sont plus là physiquement, ces portes-là, mais où les gens, les travailleurs venaient travailler à Paris et sortaient, etc. Donc c'est bien des lieux de... Et c'est souvent accolé d'ailleurs des marchés populaires, donc légaux, ou les puces, comme à Saint-Ouen, comme à Montreuil, comme à la Porte de Vendre, là aussi, parce qu'il y a bien un écosystème, c'est là effectivement se croisent les gens. Donc voilà, il y a vraiment une richesse. Pourquoi ne pas prendre en compte cette richesse-là en acceptant, en tolérant finalement qu'il y ait une économie intermédiaire, c'est-à-dire que ces gens-là n'aient pas de statut officiel finalement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patente. Est-ce qu'ils ont quand même le droit de vendre dans la rue, quoi, là, en sachant que par ailleurs, c'est un complément de ressources pour un retraité, c'est un lieu d'intégration pour un migrant qui va, quand il arrive à Paris, bah, il va se retrouver sur le marché. Et c'est, au lieu de tomber justement dans la délinquance, va trouver des formes d'accueil économique pour ensuite, peut-être, aller sur d'autres formes économiques ou créer leur propre structure de solidarité. Donc c'est aussi des lieux de passage, de sas. Si on le supprime, voilà, là aussi, on enlève une possibilité, voilà, à des gens de s'intégrer. Et en plus, c'est écosystémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est une forme d'autorégulation. Donc il n'y a pas à structurer quelque chose qui est déjà structuré, quoi. Ce qu'il faut, c'est simplement permettre d'exister dans une forme qui ne soit pas trop déviante d'un côté, mais à la fois qui permette aussi aux gens de s'auto-organiser de l'intérieur. Ce qui n'est pas possible, évidemment, qu'on réprime, puisque là, on enlève cette force écosystémique. Donc c'est ça qu'a dit tout simplement le rapport. Après, nous, on n'est que des simples chercheurs et citoyens, c'est-à-dire qu'on n'est pas des décideurs. Donc ce rapport, comme beaucoup de rapports... se termine souvent sur une étagère et n'est pas ne trouve pas de réponse politique. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est un peu le but aussi de ma présence ici, c'est de trouver justement des compétences, des intelligences, des réseaux qui réfléchissent un peu dans la même direction pour dire, bah voilà, comment faire en sorte, d'une autre manière, donc c'est le principe de recherche-action et du réseau qu'on anime, que les gens s'auto-missionnent pour continuer ce travail qui n'a pas abouti officiellement, enfin qui a abouti officiellement par ce rapport, mais qui n'a pas continué, comment le continuer d'une autre manière, avec les biffins, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils eux-mêmes soient impliqués dans ce travail de recherche, quoi, voilà. Un peu comme un laboratoire social, in vivo, ça, en situation, concret, voilà. D'où l'idée de ce que j'ai appelé la rue marchande. Créer une rue marchande, qui n'est pas nouveau, ça existait avant, hein, mais la recréer, voilà, et d'abord peut-être de manière expérimentale, c'est-à-dire de manière un peu voilà, micro-sociologique, et puis après... C'est la conclusion de votre recherche, quoi, c'est d'arriver à ça. Oui, la conclusion de la recherche proposait plusieurs pistes. C'est dresser une carte, permettre que la région offre une carte, un peu comme les chiffonniers avaient un badge, une carte qu'on appelait d'éco-développeur, c'est-à-dire de faire reconnaître le biffin pas simplement comme quelqu'un de miséreux qui fouille dans les poubelles, mais qui a une utilité économique. Et cette carte permettait de ne pas être pourchassé par la police. Donc une fois qu'on avait cette carte, à condition de respecter les règles de la BIF, donc j'ai expliqué tout à l'heure, permettait, voilà. Ce qui était ce qui me paraît, et me permet aussi à ces gens-là aussi d'être dans une formation action, et donc aussi, pourquoi pas, ensuite de valider leurs compétences d'une autre manière, grâce à cette carte-là, pour faire autre chose que de la BIF, voilà. Par exemple, je ne sais pas, travailler sur des constructions de mobilier urbain, travailler sur des formes justement mobiles dont on parlait aujourd'hui, enfin voilà, je ne sais pas, il y a des tas de compétences, puisqu'il y a vraiment une culture du geste de la BIF, qui est aussi une compétence, quoi, donc. Comment valider cette compétence-là. Donc ça, c'était une première recommandation. Voilà, bon. Parmi les autres recommandations, c'était justement permettre de négocier des... Pardon ? Tu t'en vas ? Il est 7h, si tu veux prendre le train. Il est à 40, non ? Oui, moi j'ai 20, tu dis à 40. Il est 7h, là. Ouais. De toute façon, je ne sais plus combien on en est au niveau de notre temps. On est, on a... 7 ans, si je ne sais plus. Ok. Où j'en étais, donc oui, des préconisations, et donc pas négocier uniquement de manière territoriale, justement, pas comme les carrés des biffins, c'est-à-dire un peu comme des placiers ou des gens qui contrôlent, ces biffins sont un peu rebelles à ça, mais plutôt de négocier des espaces. La rue marchande, c'est un espace, mais on n'attribue pas une place avec un carré numéroté, etc. Ça, les biffins ne veulent pas rentrer dans ce système-là. Donc l'idée, c'était ça, c'est aussi permettre une mobilité, parce que les biffins sont mobiles sur la région parisienne, aussi bien dans la récupération que dans la vente. Donc les assigner à une place, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc l'idée, aussi la préconisation, c'était ça, quoi. Voilà, c'était de dire, c'est de négocier des espaces plutôt que des places, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était des propositions à la fois très, très concrètes, hein. Bon, mais visiblement qui ne correspondait pas exactement à l'attente, ou je sais pas. Après, moi, je suis pas dans le sérail de l'institution politique, donc de voilà, de savoir à la fois pourquoi ils ont commandé ça et pourquoi ils n'en retirent pas exactement quelque chose. Moi, par contre, j'en retire beaucoup de choses. Donc, au niveau à la fois professionnel et personnel, c'était aussi une très grande richesse, et j'ai envie de continuer d'une autre manière. Après, il y a toujours la question des moyens et du cadre pour continuer. Donc, c'est ça qu'on essaye de négocier actuellement, à la fois en termes de réseaux plus ou moins formels, comme ici, et à la fois d'une manière plus formelle, en répondant à des appels à projets qu'on récupère, donc plus dans le champ de l'économie sociale et solidaire, pour trouver des moyens financiers pour essayer d'expérimenter cette rue marchande, quoi. Vous avez entendu la remarque qu'on vous a renvoyée, parce que vous avez expliqué ici devant une petite assemblée ce que c'était le but de votre recherche, etc. Donc moi, j'ai déjà entendu tout ce que vous avez dit là. Vous avez entendu ce qu'on vous a renvoyé quand vous avez parlé de badge et compagnie Rappelez-moi, qu'est-ce qu'on m'avait renvoyé Non, vous avez dû l'entendre, vous souvenir, bah, qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait des gens qui auraient droit à... Enfin voilà, comme s'il y avait une carte d'entrée dans un parti, quoi. Vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. Enfin, ça... À la fois reconnaître un marché informel, tout en le formalisant pas, tout en le reconnaissant. C'est très compliqué, quoi. Et si vous trouvez des réponses alternatives, moi je serais très heureux, parce qu'effectivement, à la fois il ne s'agit pas de réglementer comme un marché classique, Mais à la fois, il faut faire en sorte que ces gens ne soient pas pourchassés. Et pour ça, il faut valoriser par le haut. Donc c'est ça, c'est des deux cartes. En fait, ce n'est pas un statut professionnel. C'est plutôt ce qu'on qualifie, c'est une démarche, voilà, bon, et une compétence. Et donc, sous une forme de formation-action, c'est-à-dire un peu une sorte de stage. Et puis voilà, on a une carte au bout d'une semaine. Où, voilà, après, c'est quelque chose à construire, à réfléchir collectivement. Je n'ai pas de réponse là. On n'a pas été plus loin puisqu'on n'a pas eu de réponse à cette proposition-là. Donc on ne l'a pas expérimenté. Mais c'est ça. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins rigide que le badge du chiffonnier qui est accordé avec un numéro par la préfecture. Vous vous souvenez de la femme là, qui vous a renvoyé quelque chose là, je ne sais plus le terme, patent La patente, c'est encore autre chose. C'est qu'est-ce ? La patente, c'est une taxe qu'on paye pour avoir droit de vendre, en fait, sur un marché. Donc c'est ce que font n'importe quel commerçant ambulant. Ou, voilà, c'est de ce que, donc c'est ce que reprochent souvent les brocanteurs au BIFA. C'est qu'eux payent une patente, c'est-à-dire qu'ils payent pour vendre, alors que le BIFA ne paye pas. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de dire, dans un écosystème, finalement, chacun est gagnant, et que, encore une fois, le brocanteur a intérêt d'avoir des BIFA à ses côtés. Pourquoi ? Parce que ça ramène un public, un autre public que ne touchent pas les brocanteurs, que le brocanteur eux-mêmes se fournissent sur le marché des BIFA. Et donc, voilà. Donc, le but, c'est pas entre quelqu'un qui a un statut et quelqu'un qui n'en a pas, c'est plutôt... trouver, mettre en correspondance ces différentes formes économiques, puisque chacun y trouve un intérêt. Et donc la carte, c'était plutôt une forme intermédiaire. C'est pas à la fois un statut où on paye, mais à la fois c'est une reconnaissance qui permet à un moment donné d'avoir un minimum de sécurité pour vendre dans l'espace public. Donc c'était une forme intermédiaire. Donc je pense que la remarque n'était pas contre ça d'ailleurs, bon, c'était plutôt sur un autre domaine. Quoi. Voilà, bon, après... il faut négocier des espaces, mais pas obligatoirement, encore une fois, des carrés comme un marché classique. Donc c'est là où on va voir comment, si ça se met en place, comment on va pouvoir négocier ça au niveau des collectivités territoriales. C'est là que ça va, je pense, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que, voilà, bon, il faut à la fois rassurer. Donc là, on est dans une négociation d'un conflit d'usage de l'espace public, puisque... la rue, normalement, c'est pas fait pour vendre. Bon, alors, dans un cadre spécifique. Donc, comment on négocie ça? C'est ça qu'on va essayer aussi de voir. Enfin, si on arrive à mettre en place cette rue marchande. Mais d'une manière, au départ, je pense très modeste. C'est de trouver des collectivités, des villes qui acceptent. Et puis, si ça marche, essayer ensuite d'exporter, diffuser la démarche. Mais voilà, on commence un peu à... Et puis, partager... essayer de partager, voilà, parce que l'intérêt aussi de la BIF et de cette forme-là, c'est que on l'a vu, c'est pas simplement économique, c'est aussi humain, ça pose la question de l'espace public, ça pose la question de la ville, donc on touche finalement à tous les domaines de la ville, et aussi la culture, puisque finalement c'est aussi une forme de culture informelle ou non, de patrimoine vivant, on va dire comme ça, et donc... l'idée, c'est aussi de dire voilà, en quoi cette expérimentation-là peut éclairer ces différents domaines-là et comment ces compétences-là de ces différents domaines peuvent aussi apporter, aider à accompagner cette expérimentation-là. Voilà, c'est un peu aussi ce croisement-là qu'on aimerait provoquer. Voilà, je parle au conditionnel parce que tout ça, pour l'instant, n'est pas sûr. Quoi. On arrive à la fin, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir prendre votre train vite encore, mais... C'est quand même fou de faire une étude sur tout ça, vous ne trouvez pas ? C'est quand même dingue de faire une étude sur des gens qui se débrouillent pour pouvoir survivre, quoi. Allez, quand vous prenez du recul... Après, je ne sais pas si c'est une étude sur les gens. D'abord, c'est plutôt une étude... Enfin, moi, dans ma façon de travailler avec les gens, alors ce qui est bien, d'ailleurs, à chaque fois, encore une fois, ils savent... Ils ne sont pas obligés de me répondre, ils ne sont pas obligés d'y participer. Et s'ils y participent, ils ont un retour, c'est-à-dire qu'ils ont une retranscription de l'entretien que j'ai fait, et ils ont aussi le rapport que j'ai fait. Donc ils ont tous les éléments en main, et l'idée c'est qu'eux aussi puissent se nourrir et utiliser, s'ils le veulent, cette étude pour, par exemple, légitimer leur action auprès d'une municipalité, auprès d'un marché, etc. Donc c'est plutôt une étude avec les gens. Donc après, je pense que la connaissance, c'est aussi... C'est à la fois une question de... Ça peut apporter des outils méthodologiques, c'est des réponses, comment négocier, etc. Ça peut aussi apporter des réponses politiques, c'est-à-dire à un moment donné, comment aussi ces gens-là, qui ne sont pas reconnus comme ayant une parole audible dans l'espace public, à un moment donné, peut être entendu, voilà. en sachant quand même qu'il y a des associations de militance hein, et de solidarité au Bifin. Donc c'est pas une étude en elle seule, mais l'étude peut aussi nourrir ces réseaux de solidarité. Donc ça peut aussi servir à ça. Et puis on peut espérer à un moment donné que dans ces institutions et chez ces décideurs-là, d'une part, il y a des gens qui lisent l'étude, ce qui est souvent pas le cas, mais ça arrive. Et d'autre part, ceux qui l'ont lu, ils trouvent aussi l'intérêt et à un moment donné aussi changent leur point de vue. Donc après, ça dépend des sensibilités. Mais par exemple, les Verts sont quand même plutôt assez réceptifs à cette étude-là. Après, ce qu'ils en font, ça c'est une autre question. C'est aussi lié à leur fonctionnement et logique aussi stratégique, à la fois de parti, puis au niveau des enjeux politiques, etc. Mais voilà, donc à la fois j'ai l'air d'être très négatif en disant cette étude, bon, elle est restée dans un placard, mais voilà, elle est, évidemment ça sert, sinon j'en ferais pas si j'avais la conviction que ça servait strictement à rien, quoi. Voilà, donc le but c'est vraiment que ça soit réapproprié, quoi. Et vite comme ça pour avoir un petit peu de théorie, après j'arrête, je promets. Île-de-France, ça veut dire quoi, Île-de-France ? Île-de-France ? Oui. Bah, c'est une région administrative, tout simplement. Hein, c'est un des plus gros bassins d'emploi. Voilà, il y a 8 millions, enfin là, je me trompe peut-être, mais à peu près voilà, d'habitants. Et voilà, donc c'est aussi là aussi en termes d'expérimentation intéressant, quoi, parce qu'effectivement, ça permet aussi si on arrive à faire avancer le schmilblick là, on pourrait aussi, voilà, ça peut aussi faire tâche d'huile, puisque c'est une concentration effectivement de réseaux et de moyens. Ça ne veut pas dire que les choses sont plus faciles, par contre. Voilà, mais voilà, c'est à la fois une région administrative, c'est à la fois un réseau de complexe, voilà, de urbain, de transport, etc. Et en plus, évidemment, le centralisme oblige aussi la capitale de la France, quoi, voilà. Donc, et aussi une ville internationale, quoi, voilà. Donc il y a des différents niveaux. Et tous ces niveaux-là, d'ailleurs, on les retrouve aussi dans les marchés Bifin. Ce sont des marchés internationaux, parce qu'il y a toutes les nationalités, et à la fois ce sont des marchés de proximité, comme l'est un marché de village. Donc il y a ces deux formes-là, et c'est vrai qu'on rencontre que dans les grandes villes, quoi, voilà. Et comme Paris, quoi, c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Donc, comment on peut faire pour trouver votre recherche là ? Parce que c'est quand même un gros bazar. Hein. Comment les gens ils peuvent faire pour trouver ? Le plus simple, c'est de taper sur un moteur de recherche Hugues Bazin et Recherche Action. Voilà, recherche-action. On a une plateforme qui s'appelle rechercheaction.fr. Voilà. Et donc, et sur mon site personnel, donc Hugues Bazin Recherche Action, vous pouvez télécharger le rapport. Ou tapez études Bifin Île-de-France et vous pouvez aussi, je pense, récupérer ou aussi télécharger ce rapport-là sur Internet, quoi. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce sujet, parole libre pendant même pas une minute. C'est le mot de la fin. Bah, que la recherche, à la fois un travail scientifique, mais c'est aussi une aventure humaine. Donc c'est ça aussi qui est intéressant et qu'on ne peut pas séparer les deux. Et que voilà, que les sciences sociales, c'est aussi une forme politique, voilà, dans le sens où ça permet aussi de répondre aux questions de société. Et donc, imaginer aussi voilà, des nouvelles formes de vivre ensemble et des réponses à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà.